بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui, qui te dit, peut-être cherchait-il à se purifier, ou peut-être allait-il entendre le rappel et en profiter. Quant à celui qui se considère riche et indépendant, tu vas à sa rencontre avec empressement. Or, que t'importe qu'il se purifie ou non? Et celui qui s'empresse vers toi, mû par la crainte de Dieu, tu ne lui portes pas attention. Non, en vérité, ce Coran est un rappel, que ceux qui le veulent y prêtent attention. C'est un rappel consigné sur des feuillets prestigieux, élevés et purifiés, entre les mains de scribes, nobles et obéissants. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. Périsse l'homme, quel ingrat il fait. De quoi Dieu l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il le crée et lui donne ses proportions. Ensuite, il lui facilite son chemin. Puis il lui donne la mort et le fait mettre au tombeau. Et alors, quand il le décide, il le ressuscite. Mais non, l'homme n'a pas accompli ce que Dieu lui a commandé de faire. سَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Que l'homme considère donc sa nourriture. C'est nous qui versons l'eau en abondance, qui faisons se fissurer la terre, et y faisons pousser grains, vignes, fourrages, oliviers et palmiers. De même que jardins luxuriants, fruits et pâturages, tout cela pour pourvoir à vos besoins et à ceux de votre bétail. وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Puis que retentira le cri, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, son épouse et ses enfants. Chacun ce jour-là sera tellement préoccupé par son propre sort. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, souriants et réjouis, de même qu'il y aura des visages couverts de poussière et enveloppés de ténèbres. Ce seront les négateurs, les débauchés.